Tu te souviens de notre première rencontre? Comme si c'était hier. On s'est croisés en sortant du supermarché et tu m'as bousculé. Toutes mes courses sont tombées par terre. Alors tu m'as demandé, tiens, vous aussi vous aimez le foie gras? Ouais, c'était génial. Alors je t'ai répondu que j'adorais le foie gras. Et là, pour moi, c'était le coup de foudre. Allez, les bleus! Alors tu m'as invité chez toi le soir même, en me rappelant de ne pas oublier de ramener le vin. Hein? Attends... Cette soirée-là, on a bu un Bordeaux de 1965. Mais c'était pas moi, ça!